Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être à l'écoute de Pinode. Ce mercredi 2 décembre. Donc une petite émission spéciale. Je vais essayer de faire une conférence. Qui certes est, ça t'aide, disons, à décrire un paysage local, mais qui peut être, j'imagine, adapté, ou cet exercice peut aussi être fait à, je sais pas, à n'importe quelle ville de France, j'imagine. Je vais commencer par couper la musique, voilà. Je vais commencer aussi par décrire un peu d'où je parle, qui je suis pour parler. Il me semble que c'est important, donc juste parler un peu de moi, juste pour donner un contexte de prise de parole, ou je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, en gros, moi j'ai fait un DUT chimie et ensuite une école d'ingénieur à Grenoble, justement, dans l'électrochimie. Une école d'ingénieurs, voilà, donc c'est important parce que ça fait partie, c'est un des produits donc de toute cette histoire industrielle de Grenoble, et donc ma présentation sert un peu à faire la lignée, à partir d'assez loin et d'en venir donc à pourquoi tout ce tissu industrialo, universitaire et militaire aussi existe à Grenoble. Donc c'est ça un peu le but de cette présentation. Donc moi je suis ingénieur et j'ai fait un doctorat à Dijon, et voilà, ensuite je suis revenu un peu par hasard à Grenoble. Et je travaille donc dans une PME qui fabrique des instruments pour la recherche dans les batteries. Donc je suis totalement dans le réseau tech de Grenoble, puisque ma boîte fonctionne bien, et en particulier grâce à l'engouement général pour les batteries et la soi-disant transition verte, il faut le dire très vite, mais surtout transition énergétique. Voilà. Donc voilà d'où je parle. Et pourquoi j'ai fait cette présentation, c'est parce que ma copine va faire un film dans la région, où elle met en scène un groupe d'activistes qui a des projets, anti-capitalistes et anti-industriels. Et donc il y a une scène dans le film où il y a un intervenant qui les briefe en gros sur le paysage industriel grenoblois, et notamment deux sites industriels. Alors je vous conseille, petite parenthèse, je vous conseille, si vous voulez, enfin je vais faire des références géographiques, donc je suis désolé pour ceux qui ne sont pas grenoblois, mais vous pouvez, si vous êtes devant un ordi, aller sur Google, hein, ou prendre une carte, si vous avez la carte de Grenoble, ou sur plan sur Mac, ça marche bien, pour voir un peu les situer, voilà. Et donc il y a deux plateformes chimiques assez importantes à Grenoble, qui se situent au sud de Grenoble, et donc il y a deux sites. Et dans le film, en fait, les activistes sont concentrés sur ces deux sites, et un autre site qui s'appelle l'Institut Lowe Langevin, qui est tout simplement un réacteur nucléaire, mais à usage scientifique, on va dire. Voilà. Voilà pour le contexte général. Encore quelque chose d'autre. Donc j'ai fait cette présentation cet été. Je me suis inspiré, enfin j'ai trouvé beaucoup d'informations d'un livre qui s'appelle Grenoble, de César à l'Olympe, de Paul Dreyfus, qui est sorti en 68, où il retrace toute l'histoire de Grenoble de l'année 43, il dit, jusqu'en 68, voilà. 68 étant l'année, on va dire, l'année glorieuse ou l'année, je sais pas comment dire, une sorte d'année pivot pour Grenoble, qui correspond à son entrée, on va dire, dans une certaine modernité industrielle, universitaire. Voilà, donc c'est Paul Dreyfus qui est un journaliste, et donc le livre, lui, est très plutôt à la gloire de Grenoble, mais on y trouve pas mal d'informations. Voilà, informations historiques du coup assez neutres en fait, qui m'ont permis de construire cette présentation. Voilà, donc le but de la présentation, c'est en gros de montrer pourquoi Grenoble est ce qu'elle est. Et je parlerai aussi d'un autre livre par la suite, donc ma présentation n'étant pas, on va dire, particulièrement militante ou biaisée. Enfin, malgré tout, on a toujours ça en ligne de mire, quoi. Voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez pas neutre, mais qui est basé, disons, sur des faits. Donc, dans un premier temps, il faut donc se représenter Grenoble. Donc, c'est une ville qui est coincée, en fait, ou pas coincée, ou bon, si on peut dire, dans un premier temps, coincée entre trois chaînes de montagnes. Donc, ça fait une sorte de Y, puisqu'au nord, on a Chartreuse, à l'est, on a Belledonne, donc voilà. Au sud, on a le Trièves, et puis sud-sud-est, Loisans, voilà. Et l'est, donc à l'ouest, pardon, le Vercors, au lieu de la Résistance. Voilà, donc c'est une ville, comment on va dire, je crois que c'est un ancien glacier, ce qui fait que Grenoble est assez plate. Voilà, donc c'est pas vraiment une vallée, c'est plus, parce que c'est assez étendu. Ce que l'histoire de Grenoble dit, qu'en fait, c'est une ville qui a du mal à être à acquérir une sorte de puissance, parce que notamment elle est traversée par deux rivières, l'Isère et le Drac. Le Drac venant du sud, donc des montagnes de Loisans. Le Drac est assez souvent inondé. La position reculée de Grenoble l'empêche en fait d'avoir un rayonnement comme ça régional voire national. Ça fait pas partie de la Savoie, donc ça n'a pas on va dire ce statut-là lié à la Savoie. Et donc la ville est considérée comme peu attirante, on va dire, jusqu'au début du 19e. En gros, il y a des tentatives de faire de Grenoble une capitale, mais qui échouent en fait. Et donc, c'est considéré comme une ville assez peu attirante, finalement médiocre. Il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas d'œuvre architecturale, comment dire, importante, magistrale, comme il y en a dans d'autres petites villes de province en France. Je sais pas, on pense à Dijon par exemple, ou Beaune, ou Angers. Donc il n'y a rien de cette culture médiévale ou disons post-médiévale. Et Grenoble est assez éloignée des centres finalement, et finalement assez repliée sur elle-même. Ce qui fait que les solutions ne peuvent venir que de Grenoble elle-même. Donc la première, en fait, une des premières tentatives. Alors il y a un artisanat assez important qui est lié à la ganterie, mais la première tentative, on va dire industrielle, c'est la tentative d'extraction de la houille sur le plateau de la Matésine, qui est un plateau situé au sud de Grenoble. Voilà, c'est sur la route de Napoléon. Quand vous allez de Grenoble à Gap, vous passez par la Fraie. Enfin, à un moment donné, il faut monter la côte de la Fraie, qui est une côte très longue, et vous arrivez à un plateau à peu près à 1000 mètres. Et sur ce plateau, donc il y a des mines de charbon, mais qui sont très difficiles d'accès, puisqu'elles sont en hauteur. Donc ça, c'est la première concession minière, c'est en 1805. Et le nom, l'acronyme de la houille, c'est HBD. Ce qui ne veut pas dire Happy Birthday, mais houillère du bassin du Dauphiné. Donc en fait, c'est une toute petite mine donc, qui fait partie des charbonnages de France. Et donc qui est très compliqué à exploiter parce qu'il faut descendre le charbon, hein, tout simplement. Donc c'est une petite production. Donc qui en 1805, donc je l'ai dit, en 1966, il y a un pic d'extraction qui est à 791 000 tonnes de charbon. Voilà, et donc la mine, on va dire, vivote jusqu'en 1997. Donc il y a plusieurs puits dans différents endroits sur ce plateau. La Motte d'Aveillans, je sais plus, fin, je me rappelle plus, un autre nom, et surtout un puits à Suzeville. Voilà. Donc en 1997, ce dernier puits est fermé. Voilà, donc c'est une première tentative, on va dire, d'industrialisation de Grenoble qui peut être considérée comme pas très heureuse. Et maintenant, avant il y avait un petit train justement pour aller sur le plateau, le petit train de la Mure qui est fermé, mais on peut visiter des mines. La mine image sur voilà, la Motte d'Aveillans justement. Ça commence à se bouger, ou une autre tentative industrielle plus réussie, c'est celle de Vicat. Donc Vicat, c'est un cimentier en fait, hein, on part de, ouais, c'est Louis Vicat, voilà, qui est un protestant grenoblois, ingénieur des ponts et chaussées, un mec qui a voulu à un moment donné s'engager dans la marine, je crois. Alors il est descendu à pied à Toulon, et puis je crois que ça lui a pas plu, donc il est revenu à Grenoble. Il n'est pas originaire de Grenoble, a priori. Donc il fait une découverte en 1817. Il découvre le ciment artificiel, donc qui repose sur la cuisson d'une certaine proportion de calcaire et d'argile. Donc voilà, il se trouve que il y a du calcaire sur le Mont Rachet. Alors le Mont Rachet, c'est en Chartreuse, c'est vraiment à côté de Grenoble. Le Mont Jala et la Porte de France, donc sous la Bastille. Donc c'est vraiment des endroits très proches de Grenoble, qui sont des balades communes. Et donc en 1835, il y a la première cimenterie sous le Néron. Donc le Néron, c'est aussi une montagne. En Chartreuse, à côté de Grenoble. Donc il y a une synergie en fait avec la houillère de la Matésine, puisque la houille permet d'apporter l'énergie nécessaire pour faire marcher la cimenterie. Et en fait, c'est le fils, ouais, pardon, ça c'est Louis Vicat, donc, qui a découvert ça. Et c'est le fils Joseph Vicat, en 1853, qui fonde la société Vicat. Voilà, c'est assez emblématique à Grenoble. C'est une grosse usine avec un logo. En plus, on voit des petites nacelles qui traversent l'Isère. Voilà, c'est très facilement reconnaissable quand on arrive de Grenoble, de Lyon. Et maintenant, Vicat, le chiffre d'affaires de 2019, c'est 2,7 milliards d'euros. Le résultat non consolidé, c'est 160 millions d'euros. Et il y a environ 10 000 personnes qui travaillent pour Vicat. Voilà, donc une histoire qui marche. Donc on a eu de la houille, on a donc du ciment, et surtout ce qui va faire la différence, qui va modeler tout, c'est ce qu'on appelle la houille blanche. Alors c'est quoi la houille blanche? Eh ben c'est Aristide Bergès, l'un des industriels à l'origine de cette utilisation du paysage, qui a utilisé ce terme à une exposition internationale. Alors je ne me rappelle plus quelle année, à Paris. Il a utilisé ces termes de houille blanche. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement l'utilisation on va dire, de l'énergie contenue par l'eau qui est en hauteur, en fait. Donc comme il y a des montagnes tout autour de Grenoble, Et qu'il y a des rivières, des sources d'eau qui sont situées en altitude. Donc il suffit de construire des barrages pour retenir une certaine quantité d'eau en altitude, puis de faire descendre cette eau. Donc comme il y a, bon, si vous vous rappelez les cours de physique, comme il y a une différence d'hauteur, l'eau a une certaine énergie potentielle. Et donc cette énergie potentielle est transmise à une turbine, par exemple, qui va activer un transformateur et ça va produire de l'électricité. Et sinon, donc ça c'est l'hydroélectricité, voilà, donc c'est ça la houille blanche. Donc c'est l'utilisation, donc parce que finalement la houille noire, elle, sert aussi à produire l'électricité, mais par combustion. Là, la houille blanche, c'est l'utilisation de l'énergie potentielle de l'eau. Donc ça c'est venu un peu plus tard. Je crois que la première utilisation de la houille blanche, donc de l'hydroénergie, on va dire, c'est pour le donc dans un premier temps pour l'usine Vicat. Donc ça c'est comment on va dire? Ça a semblé une meilleure source d'énergie plus viable que le charbon et aussi plus facile finalement à transporter. Et donc ça c'est en 1863, il y a une chute de 80 mètres à Uriage pour alimenter l'usine Vicat. Et en 1864, une chute de 24 mètres pour l'industrie papetière. Donc là aussi c'est un autre pôle industriel grenoblois, la papeterie. Donc lié aux forêts environnantes à l'époque. Et donc le défibreur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une sorte de grosse roue qui va concasser en fait le bois. Voilà. Et donc pour entraîner cette roue, eh ben, on utilise donc au lieu d'entraîner la turbine qui va produire de l'électricité, on entraîne une roue qui, elle, est connectée à un défibreur et qui va entraîner ce défibreur. Donc c'est très beau le défibreur, si vous avez l'occasion, pardon, de regarder sur Internet. C'est des sortes de gros cylindres blancs. Voilà, en matériaux extrêmement durs, sûrement de la céramique. Et en 1869, il y a là une chute de 200 mètres qui est réalisée là aussi pour alimenter des défibreurs. Voilà. Donc un défibreur, donc en gros c'est comme des vieilles râpes Moulinex là dans laquelle on met sur le dessus des aliments, on appuie, on a quelque chose qui tourne et ça râpe. Bon, je sais pas, ma mère avait ça. C'est un peu le même principe, mais en beaucoup plus gros. Donc il y a du bois qui rentre sur le dessus. Il y a un défibreur qui tourne dans une sorte de grande cuve avec de l'eau. Et donc cette meule va défibrer, donc transformer le bois en fibre de cellulose. Voilà. Donc ça c'est une des premières étapes de la fabrication du papier. Voilà, on continue ensuite. Donc on a de l'eau, on a de l'électricité, et donc il faut des usines pour fabriquer les équipements qui vont, on va dire, être utilisés dans l'hydroélectricité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des usines qui vont fabriquer les turbines, les vannes, les matériels d'irrigation. Donc il y a toute une industrie qui sert cette industrie, donc l'industrie hydroélectrique. Donc il y a une entreprise importante qui est créée en 1852, c'est Nerpic. Voilà, par exemple, donc les Grenoblois vont reconnaître le nom qui n'existe plus, voilà, dont les anciens locaux ont été réhabilités. Alors je ne sais plus pourquoi, mais voilà, c'est l'objet de dissensus, disons. En 1883, donc une sorte de passage. de date marquante, c'est que c'est la première fois que en fait de l'électricité est amenée directement à Grenoble. Donc là, je vais encore faire un petit peu de géographie. Donc il y a une rivière qui vient du sud de l'Oisans, qui s'appelle la Romanche, qui vient du sud-est. Et donc il y a une dérivation de la Romanche qui est à Jarry, donc qui est amenée à Grenoble par une ligne. Ah non, pardon, c'est l'électricité produite par une dérivation de la Romanche qui est amenée à Grenoble par une ligne haute tension. Voilà. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, la localisation de cette rivière, en fait, et l'utilisation de cette rivière va justifier la localisation des usines chimiques par la suite. Donc je vais parler par la suite. Voilà. Parce qu'en fait, ces usines chimiques sont situées proches, finalement, des lieux de production d'électricité. Voilà. Donc en 1919, il y a la fondation de la société Merlin-Gérin, aussi un poids industriel à Grenoble. Donc eux, ils font des équipements électriques. Donc dans un premier temps, on doit faire les équipements pour canaliser l'énergie, on va dire, de l'eau. Et ensuite, on fait les équipements pour canaliser, transporter l'énergie électrique produite par l'eau. Voilà, c'est ça la logique. Et Merlin-Gérin est racheté en 1992 par Schneider. Voilà, Merlin-Gérin, ma voisine, par exemple, syndicaliste, bon, c'est une anecdote, mais elle a travaillé à la médiathèque de Merlin-Gérin. Voilà. Schneider qui est. Alors, est-ce que c'est coté? Je ne suis pas sûr. À vérifier, mais je crois que c'est au CAC 40. Donc, par la suite, on va faire un grand saut dans le temps. Donc, on passe de 1920. Donc, il y a tout cet héros, on va dire, industriel. Donc, oui, je vais préciser que ma présentation s'arrête assez tôt dans l'histoire. Donc, je parle de ce bassin industriel, mais ma présentation ne concerne pas, on va dire, la tech plus récente, on va dire, des 20 dernières années. Voilà, c'est un peu c'est plutôt l'industrie du XXe siècle. Alors, ensuite, ce qui se passe, donc ça c'est pour le côté industriel, donc on voit que tout l'intérêt de Grenoble est situé autour de l'industrie. Et donc tous ces noms, alors je ne les ai pas, mais bon, Vicat, Nerpic, Aristide Bergès, par exemple Marliave, en fait, les personnes importantes qu'on retrouve, en fait, qui émaillent, en fait, les noms des espaces publics, sont des industriels, quoi. Voilà. Bon, il y a aussi Thiers, hein, comme dans toutes les villes, mais bon. Donc en 1960, donc ça c'est pour le côté industrie, on a un phénomène de décentralisation avec la création en 1960 du domaine universitaire, donc qui est situé un peu en dehors de Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères, qui est apparemment une des premières tentatives. Enfin, l'intention, c'est de créer un campus à l'américaine. Voilà. On a aussi la création du centre d'énergie atomique en 1956. Et puis l'avènement de la microélectronique. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vient un peu après. Donc la microélectronique, c'est une entreprise qui s'appelle ST Microélectronique, qui est située un peu à l'est de Grenoble, qui elle est cotée au CAC 40. Le centre d'énergie atomique, au départ, a cessé presque toutes ses activités de recherche sur le nucléaire. Mais par contre, il y a encore un réacteur nucléaire qui sert, en fait, à comment, qui sert d'outil d'analyse, finalement, pour les scientifiques. Voilà, donc il y a deux pôles. Donc là, je vais recentrer sur la plateforme chimique de Claye. Donc, comme j'ai dit, en fait, Claye, c'est. Non, je ne l'ai pas dit, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en disant que la Romanche, finalement, située au sud, produisait l'électricité qui était utilisée dans les plateformes chimiques, donc ce qui justifie la localisation. Donc Claix, c'est au sud de Grenoble. Donc cette plateforme chimique a été créée en fait en 1916. Pourquoi? En fait, pendant la guerre, pour fournir et produire du gaz moutarde. Donc là, en plus de, on voit ce qu'on appelle donc dans ce livre que je citerai tout à l'heure le triangle de fer, c'est-à-dire la collusion entre donc des intérêts privés industriels et des intérêts publics, et donc la recherche, donc avec la création du domaine universitaire, le CEA, on va dire, et des intérêts publics militaires. Alors, le gaz moutarde. Qui s'appelle son nom scientifique, c'est le phosgène. Voilà. C'est une molécule assez simple. C'est un atome de carbone avec un atome d'oxygène et deux atomes de chlorure, de chlore, pardon. Donc COCl2. Et ce phosgène est produit ou peut être produit, il y a d'autres façons de le produire, par la réaction de deux gaz, donc le dichlore, le Cl2 qui est un gaz toxique, hein, et le monoxyde de carbone, CO, qui est aussi toxique. Bon, et en plus, ça ne sent rien. Voilà, donc la réaction, c'est tout simplement CO plus Cl2 donne COCl2. Voilà, c'est une réaction exothermique donc qui produit de la chaleur. Alors, la plateforme chimique de Claix, c'est la première de ses utilisations, fournir du gaz moutarde hein, pour la guerre. Alors, un petit aparté sur les produits chlorés. Donc, j'ai dit que le phosgène est produit par la réaction de deux gaz, le dichlore, hein, Cl2. Le dichlore, lui, il est fabriqué par oxydation, donc transformation de l'ion chlorure Cl-. Qui est contenu en fait dans le sel marin. Voilà, c'est-à-dire chlorure de sodium qu'on utilise, le sel de table. La production du dichlore gazeux, c'est-à-dire Cl2, puisque c'est un gaz, produit aussi de la soude caustique. Voilà. Donc, qui aussi est un réactif et peut être vendu ou utilisé dans d'autres réactions. Alors, il se trouve que le chlorure de sodium pendant la guerre ou jusqu'au 1966, je crois, venait du sud de la France, vers Marseille, il me semble. Et depuis, en fait, ce sel-là vient de mines qui sont situées à Hauterive. Hauterive, c'est dans la Drôme, hein, c'est un peu au nord plutôt à l'ouest de Grenoble, à peu près. Et c'est la ville où se trouve le palais du facteur cheval. Voilà. Donc la Saumure, c'est un mélange d'eau et de sel très concentré est acheminé par des saumoducs. Voilà, depuis Hauterive. Et quand il arrive près de Grenoble, donc les saumoducs sont enterrés le long de la digue de l'Isère donc et du Drac. Voilà, donc c'est assez facile à voir puisqu'il y a des petites plaques qui indiquent en fait des repères du saumoduc quand on se promène le long de la rivière. Voilà, donc cette saumure est utilisée pour faire du dichlore et alors à la base du phosgène, mais plus maintenant. En 1967, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, la canalisation amène de Fezin de Lyon de l'éthylène provenant du cracking des hydrocarbures. Voilà. L'éthylène, j'ai vu que c'était aussi. Non, ou acétylène. Bon, bref. Alors pourquoi j'ai mis ça, je ne sais pas. En 1972, oui, c'était en fait, voilà. En 1972, donc le phosgène et le dichlore servent pour la synthèse d'autres produits chimiques. Donc les fongicides, les pesticides, le xylophène, utilisé pour pour tuer les vrillettes, voilà, je crois, les termites de bois, Le nylon, le vernis, les résines, les matières plastiques, les solvants et les dégraissants. Voilà, donc ce qui est fabriqué à la plateforme chimique de Claye, ce n'est pas directement des produits, on va dire, courants, c'est des produits qui servent à faire des produits courants. Alors, en la plateforme chimique de Claye, quelques petites dates importantes donc qu'on peut trouver sur le site de la ville de. D'ailleurs, c'est pas de Claye, c'est de Pont-de-Claye. Donc, en 1975, elle est intégrée au groupe Rhône-Poulenc. Et du coup, le groupe Rhône-Poulenc décide d'abandonner la pétrochimie, donc qui était liée en fait à cette. Parce qu'à Feyzin, donc à Lyon, au sud de Lyon, il y a donc la pétrochimie, donc la transformation du pétrole. Et donc la plateforme chimique du pont de Claye arrête cette activité et se recentre en fait sur la chimie du chlore et du phosgène, donc du gaz moutarde. Dans les années 1980, il y a d'importants investissements de modernisation qui concrétisent cette orientation. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et finalement, en 2000, c'est plus Rhône-Poulenc ouvre, on va dire, ce site à d'autres sociétés. Voilà. Et vu qu'il est 18h30, je pense qu'on pourrait mettre un petit morceau. On va mettre, par exemple, un morceau de Chris Corda. Voilà. Et on se retrouve après. It's so lame. pardon. Un super morceau de Chris Corda sur son dernier album, Apologize to the Future. Donc on revient à la plateforme chimique de Pontclay. À quoi servent les produits chlorés qui sont fabriqués sur cette plateforme? Et ensuite on va rentrer un petit peu dans les détails de chaque société qui est présente sur cette plateforme. Et ensuite on passera à la plateforme de Jarry, donc qui est un peu plus loin en fait. Finalement les deux plateformes se suivent quand on va sur quand on se dirige, quand on prend la route de Napoléon qui va à Laffrey, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Si vous allez venir à Grenoble, il y a un lac, le lac de Laffrey, qui est situé sur ce passage. Donc c'est assez impressionnant de passer à côté de ces deux plateformes chimiques, ensuite de prendre la côte de Laffrey. Voilà. Donc celle qui est plus au sud, plus proche donc de la source de la Romanche, c'est Jarry. Et voilà, qui est protégée d'ailleurs. C'est une plateforme protégée. Parce qu'elle a des activités un petit peu sensibles. Voilà, donc les produits chlorés, à quoi ça sert? Donc le dichlore, quand on pense au chlore, on pense à la piscine. Hein. Donc voilà, ça sert à traiter l'eau potable. Ça sert aussi donc dans le domaine de la santé et de l'hygiène, donc c'est ça, traitement de l'eau potable ou des piscines au chlore ou au sel. Ça sert pour fabriquer du matériel médical en silicone, donc c'est là en fait où le chlore, le dichlore est un réactif, et c'est aussi utilisé dans les principes actifs, donc dans les médicaments. Ensuite il y a un domaine lié en fait aux loisirs et à la maison, donc ça sert à fabriquer. Donc produit chloré, c'est pas seulement enfin je pense que c'est principalement du dichlore qui sert de réactif pour fabriquer des produits chlorés. Donc les matelas en mousse polyuréthane, ça sert à faire des élastomères, donc des plastiques pour des roues de roller. Donc là encore, je répète, tous ces produits ne sont pas fabriqués à Pontclay, mais Pontclay fabrique, la plateforme chimique du Pontclay fabrique le réactif qui permet de faire ces produits. Des colles polyuréthane pour des chaussures de sport, voilà, qui permet donc de coller les semelles. Des revêtements pour la téléphonie. Alors je suppose que ce sont les revêtements transparents. Et enfin du vernis de parquet en polyuréthane. Dans le domaine des transports, c'est les sièges automobiles qui sont en mousse polyuréthane. Des peintures en polyuréthane pour l'automobile. Et les transports. Alors polyuréthane, c'est à base, donc c'est poly, ça veut dire polymère. Donc c'est des longues, des grosses molécules, comme des grosses spaghettis. Et uréthane, c'est à base d'azote. Voilà. Alors on va voir d'où vient l'azote. Donc les sociétés qui sont présentes sur la plateforme chimique de Pontclay. La première qui s'appelait Chloralp, qui s'appelle maintenant Vancorex. Produit du chlore, donc on dit chlore mais j'imagine que c'est dichlore, hein. Du phosgène, donc qui est un réactif, hein, qui est plus utilisé pour j'espère pour les guerres dans le monde, mais qui est utilisé pour dans l'industrie chimique comme réactif, hein, puisque c'est un réactif très puissant. Donc du chlore pour le traitement de l'eau, le phosgène pour l'industrie chimique. Donc on a vu tout à l'heure que la production de phosgène, pardon, de dichlore, un des produits de la réaction de dichlore, c'est la soude. Donc la soude, c'est aussi utilisé. Donc la soude, c'est une base puissante, hein, c'est la soude, quoi. C'est une base puissante, donc un pH élevé. Ça sert d'intermédiaire chimique et de traitement de l'eau. Et donc, à partir donc, du phosgène et de l'ammoniac, donc l'ammoniac c'est NH3, Vancorex produit des diisocyanates de toluène. Bon, alors là, c'est Cyanate, on voit cyanate, donc cyanate dans cyanure, donc ça veut dire que c'est CN, radical CN. Toluène, c'est un cycle aromatique, c'est un solvant aussi, bon bref. Et ça sert donc à faire, comme j'ai dit avant, les mousses, les résines, les revêtements, les encres. Et ça produit aussi à partir de phosgène et d'ammoniac, d'isocyanate, d'hexaméthylène. Donc ces deux composés-là permettent de faire les revêtements ou les mousses, etc. Donc ils sont envoyés à d'autres usines pour faire ça. Je ne sais pas lesquelles. Ensuite, il y a une autre entreprise qui s'appelle Isochem, qui elle a un peu les mêmes. Un peu les mêmes produits, donc du chlore, du phosgène, de l'ammoniac, hein, comme j'ai dit, NH3, et des trichlorures de phosphore. Toujours, donc ça c'est lié au chlore. Hein. Ça, ce sont des fongicides a priori pour l'agrochimie et du diméthylamine. Alors ça c'est avec de l'azote, voilà, donc du N. Ça, c'est Isochem, donc assez proche de Vancorex. Ensuite, on a un site de recyclage ou disons de valorisation énergétique. Donc, il y a le site à Rekem, consiste en fait en un incinérateur à très haute température. Donc, ça incinère les déchets dangereux et aussi les déchets non dangereux. Et donc, avec valorisation énergétique et matière, ça, je ne vois pas. J'imagine que là. L'incinération doit produire de la chaleur qui est réutilisée. Et donc ce site traite plusieurs types de déchets, donc les solvants et les eaux halogénées, donc halogénées ça veut dire chlorées, les solvants très chlorés et les gaz frigorifiques, donc qui sont utilisés j'imagine pour la production, dans la production du dichlore. Et les autres produits que j'ai cités avant. On passe maintenant à la zone industrielle de Jarry. Alors elle a été créée en 1954-1956, donc à peu près 40 ans après celle de la plateforme chimique de Pontclay. Là, on est aussi sur. Non, alors j'aime pas du tout cette expression. Elle produit aussi des produits chlorés et aussi de l'eau oxygénée à forte concentration, ainsi que le monomère chlorure de vinyle, donc c'est-à-dire on va dire la molécule qui permet de fabriquer du PVC. Il y a deux entités principales sur la plateforme de Jarry, Arkema et Cesus. Alors Arkema c'est en gros fabricant de plastique, voilà, de manière globale, c'est un chimiste. Arkema, donc sur le site de Jarry, est spécialisé dans la fabrication de produits oxygénés, du chlore et de ses dérivés. Et donc, il fabrique donc à partir de l'énergie électrique donc, qui vient de la centrale hydroélectrique donc de Livet et Gavet. Enfin, il y en a plusieurs le long de la vallée de la Romanche, mais celle-ci, c'est une des plus grosses, il me semble, qui a fait l'objet d'un énorme chantier récemment. Donc ça c'est pas quand on remonte la Romanche, c'est pas la route de la fraise, c'est la route pour aller à Bourdoisan ou l'Alpe d'Huez par exemple. Briançon par la suite. Le col du Lautaret. Voilà. Donc avec l'énergie électrique et des matières premières comme le sel, donc le chlorure de sodium, le toluène et le méthanol. Donc chez Arkema, ils fabriquent aussi du chlore, de la soude, donc encore, j'imagine c'est un peu des concurrents, de l'eau de Javel. Donc l'eau de Javel, c'est aussi un dérivé du chlore. C'est un ouais, hypochlorite, donc c'est du chlore mélangé, enfin il y a de l'oxygène, de l'eau oxygénée. De l'eau oxygénée qui donc là, est utilisée pour blanchir la pâte à papier et les textiles. Donc on voit la connexion avec l'industrie existante à Grenoble, donc la papeterie. Du perchlorate de sodium qui est utilisé comme propulseur de fusée. Du chlorate de sodium qui sert là encore à blanchir la pâte à papier et d'autres dérivés chlorés. Donc, pour fabriquer le silicone et les autres dérivés chlorés servent de fluide caloporteur. Donc, ce que j'ai avant, j'ai parlé de gaz frigorifique. Voilà, donc le chlore sert à transporter le froid ou le chaud. Enfin, les dérivés chlorés, pardon. Et ensuite, il y a l'autre usine de la plateforme de Jarry, qui s'appelle Cesus, qui est une filiale d'Areva. Donc, Areva, c'est l'équipementier nucléaire, enfin, pas l'équipementier, c'est le fabricant de centrales nucléaires. D'ailleurs, il me semble pas seulement fabricant, mais aussi qui contrôle toute la chaîne, donc de l'extraction du minerai nucléaire jusqu'à la remise clé en main, je crois, de la centrale. Donc Cesus, c'est une filiale d'Areva qui, donc, elle assure la production d'éponges de zirconium. Alors l'éponge de zirconium, c'est utilisé, donc c'est marqué à 70% dans l'industrie nucléaire et ça sert à gainer les tubes des assemblages combustibles des réacteurs nucléaires. Alors en gros, ça sert à, en fait, c'est, alors si je comprends bien, assemblage combustible, ouais, j'imagine que c'est le, en gros, c'est, ça sert à gainer les tubes qui entourent ouais, enfin, ça sert à protéger, on va dire, la radiation, ce que je comprends. Donc la matière première, la zircone, donc zircone, c'est aussi ce qu'on appelle le faux diamant, il me semble. Est transformé donc en tétrachlorure de zirconium. Donc là encore, on a l'intervention des chlorures. Donc il y a bon, bref, je vais pas vous raconter le processus, mais apparemment, donc comme c'est lié au nucléaire, c'est une entreprise qui est très surveillée. Donc quand Lily, ma copine, était allée, avait essayé de prendre des photos, tout de suite. Les gendarmes sont arrivés, les vigiles, etc. Bref, donc c'est lié au nucléaire et aussi donc ces éponges de zirconium, c'est aussi il y a d'autres applications dans l'aéronautique, le médical, l'optique et l'électronique. La particularité, c'est que c'est le seul site, alors je sais pas en France ou au monde, dans lequel il y a cette opération de transformation de la zircone en tétrachlorure de zirconium. Donc en gros une chloruration de la zircone. Voilà. Alors là on était au sud de Grenoble. On se recentre un petit peu sur un autre, on va dire un autre site critique qui lui est situé sur la presqu'île scientifique. Donc la presqu'île scientifique, c'est le long de. Pourquoi on parle de presqu'île? C'est parce que la presqu'île scientifique est entourée du Drac et de l'Isère. Donc le Drac qui vient aussi du sud, mais on va dire un peu plus sud-ouest, enfin qui vient du Trièves, et puis ensuite de plus bas, du Dévoluy. Et donc l'Isère qui vient donc plutôt de la Savoie, enfin des Alpes savoyardes. Et donc la presqu'île, c'est en gros, elle commence à peu près à la porte de France, par là. Pour ceux qui connaissent, c'est jusque à l'endroit en fait où jusqu'à la pas à la confluence, mais au moment où les deux rivières se rejoignent. Et donc sur cette presqu'île se situe le CEA et aussi des écoles d'ingénieurs, des appartements d'étudiants. Et ça correspond en fait au second campus universitaire. Mais voilà. Donc un gros centre industrialo-militaro-universitaire. Et donc on a plusieurs équipements. Donc cet institut là où est Jean Langevin, le but est de fabriquer des neutrons, donc des faisceaux de neutrons, et les neutrons sont utilisés en gros pour analyser la matière, quoi. Voilà. Et à côté de ça, il y a aussi le synchrotron, donc qui est une sorte de gros anneau dans lequel des particules, donc là aussi c'est, alors synchrotron, je ne sais plus quel type de particules sont accélérées, Voilà, je crois que c'est. Bon, je ne sais plus. Voilà, peut-être des rayons X. Voilà. Donc en gros, c'est la production de faisceaux qui, là, n'ont pas d'application a priori industrielle. Elles n'ont que des applications scientifiques, donc situées dans le domaine de la recherche. Voilà pour pour ce petit panel, on va dire cette petite introduction on va dire à l'industrie sur le bassin grenoblois en faisant un peu d'histoire. Pourquoi Grenoble a nécessité industrielle? Donc c'était la thèse du début, c'est-à-dire que c'est la seule manière qu'a trouvé Grenoble pour se développer. Donc maintenant, il y a toute une autre industrie qui arrive, notamment les nanotechnologies. Voilà, l'industrie liée à la batterie. Donc il y a des projets de faire une gigafactory, alors je ne sais plus où. Tout un ensemble de start-up liées à l'énergie, voilà, qui fleurissent, qui émanent souvent du CEA. Qui bénéficient d'argent public par le biais donc des pôles de compétitivité. Il y a un pôle qui s'appelle Tenerdis. Voilà, le BPI aussi, je sais plus, c'est un fonds d'investissement français. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez plus d'informations, je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle L'Université des Intégrés, qui a été écrit par le groupe Grothendieck. Grothendieck, qui était un mathématicien qui, à un moment donné de sa carrière, a décidé de tout le lâcher. Voilà, je peux peut-être lire ce qu'est le groupe Grothendieck. Alors, le groupe Grothendieck est composé d'étudiants, étudiants démissionnaires de l'université, non-experts, experts de leur vie, d'anti-tout jamais contents, de fouineuses d'informations, de perturbatrices de conférences guindées, de doctorants, bientôt chômeurs, fans d'Élysée reclus. Alexandre Grothendieck était l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. À la fin des années 60, sur fond de guerre de Vietnam, il prit conscience des liens entre les mathématiques et les recherches militaires. Il refusa alors d'apporter sa pierre au système. Voilà, c'est un livre qui coûte 10 euros, qui a été édité par Le Monde à l'envers, et qui parle de Grenoble, mais comme, on va dire, un paradigme. Voilà, donc c'est la recherche grenobloise au service du complexe militaro-industriel. Donc ça reprend de manière beaucoup plus détaillée ce que j'ai un peu évoqué, et surtout ça parle de maintenant, donc des intrications entre l'industrie, la recherche, donc qui à Grenoble ont toujours marché main dans la main, et l'industrie militaire, l'armée. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. La semaine prochaine, je ne sais pas ce qui se passera encore aux entretiens de Grenoble. J'espère que cette conférence vous a plu. Et vous pouvez m'écrire voilà, si vous avez besoin de références. Et on va finir avec un morceau de Annie. Voilà. À bientôt. Au revoir. Daddy left the family.